إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on poursuit بإذن الله تعالى l'explication du livre أحكام مناسك الحج والعمرة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. Donc les règles des rites du pèlerinage et de la Umrah. Le dernier cours, on a parlé de ce qui concernait les habits lorsqu'on était en état de sacralisation, ce qui était donc permis et ce qui ne l'était pas. Aujourd'hui, le Shir, en ce nouveau chapitre, Fasl, il va nous dire, toujours en parlant donc de l'Ihram, فَإِذَا أَحْرَمَا لَبَّ بِتَلْبِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la sharika lak wa in zada ala dhalika labbaik dhal ma'arij aw labbaik wa sa'adaik wa nahwa dhalik jaza kama kana as-sahabatu yaziduna wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yasma'uhum falam yanhahum. Donc le shaykh, après nous avoir parlé donc des habits, il va nous dire au moment où la personne rentre en état de sacralisation. On a insisté sur ce point qui est très important durant les premiers cours lorsqu'on a parlé de l'Ihram, et on a dit que l'Ihram, avant toute chose, c'était l'intention que l'on avait de rentrer en état de sacralisation, et qu'ensuite cela devenait réel lorsque la personne faisait un acte ou prononcer une parole. À ce moment-là, yan'aqid al-ihram, c'est-à-dire donc que on devient réellement muhrim. Donc, on a déjà insisté sur cela, on n'y revient pas, sur ce qu'est réellement al-ihram. فَإِذَا أَحْرَمَا لَبَّى بِتَلْبِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Donc, التَلْبِيَة, et on va voir, il va nous expliquer ensuite un peu plus loin ce qu'est réellement le sens du terme talbiya et de ce que l'on prononce. Donc il nous dit, la talbiya de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'était la suivante. Donc on dit comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Ça donc c'est la talbiya que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il prononçait, et c'est celle donc qu'on dit une fois donc qu'on a été en état d'ihram, et qu'on commence donc à prononcer. Et il nous dit le shir, وَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ, c'est-à-dire si on dit des choses en plus de cette talbiya, comme à titre d'exemple labbaik dhal ma'arij, ou alors qu'on dit également labbaik wa sa'adaik, et ce qui va dans ce sens, il nous dit que cela également est permis. Jaza, est-ce qu'on a une preuve par rapport à cela? Na'am, le shir nous rapporte une preuve, et il nous dit que les compagnons, ils disaient ces termes en plus de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc la talbiya qu'on vient de prononcer, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il les entendait, parce qu'ils étaient près d'eux, ou lui était près d'eux sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il les entendait dire ces termes en plus de sa propre talbiya, il ne leur disait rien, c'est-à-dire il ne leur interdisait pas de prononcer cela. D'où donc ici la permission de prononcer ces termes en plus de la talbiya qui était prononcé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kana huwa yudawimu ala talbiyatihi wa yulabbi min hina yuhrim sawa'an rakiba dabbatan aw lam yarkabha wa in ahrama ba'da dhalika jaza wa talbiyatu hiya ijabatu da'wati Allahi ta'ala li khalqihi hina da'a ila hajj bayti ala lisani khalilihi Ibrahim wa alayhi wa sallam. Donc ici il va nous dire le shir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prononçait cette talbiya de manière continue, permanente. Huwa yudawim. Huwa yudawimu. Donc le verbe ici, dawama, dawama, a pour sens, il la disait de manière continue. Et il dit, il commençait à prononcer sa talbiya au moment où il devenait muhrim. Min hin yuhrim. Qu'il soit donc sur sa monture ou qu'il ne le soit pas. Dans les deux cas, il disait sa talbiya. Qu'il soit sur sa monture ou qu'il n'y soit pas. Wa in ahrama ba'da dhalika jaza. C'est-à-dire ici ce qu'on va comprendre de la parole du shir. Wa in ahrama ba'da dhalika jaza. C'est-à-dire que la personne même, si elle n'est pas au moment où elle va rentrer en état d'ihram, même si elle n'est pas encore rentrée en état d'ihram, il lui est également possible qu'elle dise cette talbiya. C'est le sens, ou c'est ce qu'on comprend ici de la parole du shir. Wa talbiyatu hiya ijabatu da'wati Allah ta'ala li khalqihi. Donc ici, le shir nous donne le réel sens de At-Talbiya. Et il nous dit que At-Talbiya, c'est Ijaba. Al-Ijaba, c'est la réponse. La réponse à l'appel d'Allah Azzawajal. Hiya ijabatu da'wati Allah ta'ala li khalqihi. Donc c'est la réponse à Allah subhanahu wa ta'ala lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a appelé les gens. حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم. Et bien entendu, on sait que Allah subhanahu wa ta'ala a appelé les gens à faire le pèlerinage. Et que celui qui a appelé les gens, donc qui était le transmetteur, c'est le prophète Khalilu Ibrahim alayhi salam. Comme cela est cité par Allah subhanahu wa ta'ala dans son Coran, fi surat al-Hajj, qui est le verset 27. والله سبحانه وتعالى يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jal yad'u, c'est-à-dire donc il fait un appel ici. Il appelle les gens et cet appel a été transmis par Ibrahim. Donc ce verset qui est du sourate Al-Hajj, le verset 27. Verset 27 Al-Hajj. Et fais aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné. Ensuite, le shir il dit: wal mulabbi wal mustaslimu al munqadu li ghayrihi kama yunqadu alladhi lubbiba wa ukhidha bi lubbatihi. Donc ici, le shir il va nous expliquer toujours le sens de at-talbiya. Et pour ce qui est de Al-Mulabbi, donc celui qui fait l'acte et qui prononce donc Al-Talbiya ou Al-Mulabbi, c'est celui qui s'est soumis entièrement à un autre que lui et qui a obéi à l'appel d'un autre que lui. Et donc ici, le sens que prend ce terme dans la religion, il nous dit Wal-Ma'na Inna Mujibuka Lida'watika Inna Mujibuka Lida'watika مستسلمون لحكمتك مطيعون لأمرك مرة بعد مرة لا نزال على ذلك. Donc le sens de cela, nous répondons à ton appel, nous nous soumettons pleinement à ta sagesse et nous obéissons totalement à ton ordre à chaque fois, مرة بعد مرة, à chaque fois, لا نزال على ذلك, et on continue tout le temps sur cela, c'est-à-dire à obéir à tes ordres. Et donc ici on va comprendre ce qu'est le sens de At-Talbiya, mais on va comprendre également que le musulman, lorsqu'il nous dit le shir la nazal ou ala dhalik, c'est qu'on va continuer à être dans cet état-là de soumission, d'obéissance à tes ordres. C'est non seulement dans l'état de At-Talbiya, lorsqu'on dit donc At-Talbiya et donc lorsqu'on est en état d'ihram et qu'on fait les rites du pèlerinage, mais également en dehors de cela. Et donc le musulman, celui qui est sincère et celui qui est croyant, il continue même après le hajj, même avant le hajj, wa mustaslim, wa muti', wa yujibu da'wat Allah. Ça, c'est quelque chose qui est continuel. C'est un état permanent chez le croyant. Et donc, lorsque la personne, elle dit cette talbiya, et que cette talbiya, ces termes qu'il prononce, et qu'il répète sans cesse jusqu'à qu'il va arriver à Mecca. Alors, comment se fait-il qu'on va voir des musulmans qui sont en train de prononcer cette talbiya et qui font de par leur acte ce qui est totalement contraire à ce qui sort de leur bouche comme parole au moment où ils prononcent la talbiya, comme les péchés qu'ils font, comme les innovations qu'ils pratiquent, jusqu'à même ash-shirkiyat, l'associationnisme que font beaucoup de musulmans, ayadan billah. Donc on va s'apercevoir malheureusement que beaucoup de musulmans, au moment où ils disent la talbiya, ce qu'ils sont en train de dire, ils ne le mettent pas en pratique. Et il y a une totale contradiction entre la parole et l'acte à ce moment-là. Donc lorsqu'on comprend réellement le sens de talbiya, alors le musulman sincère, c'est celui qui essaie de, par sa volonté totale, de la mettre en pratique, de s'y vouer totalement. Et par cela, la talbiya, elle prend tout son sens. Il nous dit « Wa talbiyatu shi'arul hajj » فأفضل الحج العج والثج والتلبية شعار الحج. Et donc la talbiya, ce que l'on prononce, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak, cette talbiya, c'est l'emblème même du pèlerinage. شعار الحج, l'emblème même du pèlerinage. فأفضل الحج, le meilleur donc du Hajj, c'est العج بالعين, العين والجيم, العج والثج, الثاء والجيم, العج والثج. فالعج رفع الصوت بالتلبية. Donc le terme ici العج, qui nous l'explique lui-même le shir, c'est élever sa voix lorsqu'on prononce la talbiya. Et cette parole qui nous dit le shir, c'est tout simplement tiré d'un hadith qui est authentique. Hadithun sahih, akhrajahu l'imam al-Tirmidhi fi sunanihi, wa ibn Majah kadhalik fi sunanihi, wa ad-Darimi ayda min hadith Abi Bakr as-Siddiq, min hadith Abi Bakr as-Siddiq. Anna an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam su'ila ayyul hajj afdal. Donc ce hadith qui nous est rapporté par Abu Bakr as-Siddiq, qui nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé: quel est le pèlerinage, le meilleur pèlerinage? Il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-hajj wa-thajj. Et pour ce qui est donc al-thajj, après avoir expliqué al-hajj, al-thajj wa iraqatu dima al-hadi, c'est tout simplement lorsqu'on effuse le sang du mouton, al-hadi, donc du sacrifice. Donc lorsqu'on l'égorge et que le sang donc coule à ce moment-là, ça c'est ce qu'on appelle al-thajj. Donc, bien entendu, c'est ce terme qui est voulu par al-thajj. Donc, al-hajj ou al-thajj, c'est ce qui est le meilleur du pèlerinage. Il nous dit wa li hadha yustahabu raf'u sawtu biha lir-rijal aw lir-rajul. Donc ici, le shir nous dit toujours pour ce qui est du sujet de at-talbiya, il nous dit qu'il est préférable pour l'homme qu'il élève sa voix, pour ce qui est donc al-thajj. Pour ce qui est de la femme, elle l'élève, mais de quelle façon? Uniquement de manière à ce que celle qui est près d'elle, la femme qui est près d'elle, l'entende. Donc on va voir, c'est lorsqu'on dit élever la voix ici, c'est en réalité la prononcer jusqu'à que la personne qui est proche de nous l'entende, dans le cas de la femme, contrairement donc à l'homme. Et bien entendu ici, c'est pour éviter la fitna, pour éviter la fitna en présence donc des hommes étrangers, et lorsqu'ils entendraient les voix des femmes, ce serait une fitna pour eux. Donc pour éviter cela, la femme, elle prononce la talbiya de façon à ce que celle qui est à côté d'elle, elle puisse l'entendre de cette manière. Ça c'est pour elle l'ossement de la voix, c'est ce qu'on comprend de l'ossement de la voix dans son cas, elle, de la femme. Par contre, pour ce qui est de l'homme, il lève à voix haute. Il nous dit le shir également qu'il est préférable وَيُسْتَحَبَ الْإِكْثَارُ مِنْهَا عِنْدَ إِخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ, c'est-à-dire qu'il est préférable également de multiplier la prononciation de التَّلْبِيَة lorsqu'il y a des changements d'état, à titre d'exemple, ou alors des changements de situation, ou des changements de conditions. À titre d'exemple, lorsqu'on finit nos prières, à la fin des prières, adbar salawat, ou également idha sa'ida nashazan, c'est-à-dire si la personne elle monte, elle s'élève, ou habata wadiyan, c'est-à-dire donc si elle descend dans une vallée, donc au moment où elle monte ou au moment où elle descend, ou sami'a mulabbiyan, ou alors qu'elle entend également une personne qui dit talbiya, alors à ce moment-là elle l'a dit elle aussi. Ou aqbala al-layla wa an-nahar, ou alors au moment où rentre la nuit, où la nuit couvre, nous couvre, ou alors lorsque la journée commence, ou alors au moment où on rencontre des amis. Et également il nous dit le shir, wa kadhalika idha fa'ala ma nuhiya anhu, et de même si on voit donc une personne qui fait ce qui est interdit, qui fait un mal, également à ce moment-là on dit at-talbiya. وقد روي أنه من لبى حتى تغرب الشمس فقد أمسى مغفورا له. Ici le shir nous dit qu'il était rapporté du prophète. Ici ruya, c'est-à-dire que le shir la yajzim bisiha. Lorsqu'il dit le terme ruya, c'est un terme qui est important ici ruya, il va dire il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici entre parenthèses, le shir ne va pas affirmer l'authenticité de cela ou également la renier. C'est ce qu'on comprend du terme. Et tout simplement parce que le hadith auquel il fait allusion, le shir, c'est un hadith qui est en réalité da'if. Hadith rapporté par Ibn Majah, min hadith Jabir, radiyallahu ta'ala anhu. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma min muhrim yabhi lillahi yulabbi hatta taghibu shams illa ghabat bidhunubihi fa'ada kama waladathu ummu. Donc, l'avd de ce hadith, il n'y a pas parmi celui qui est en état de sacralisation et qui yulabbi, c'est-à-dire donc qu'il dit à talbiya jusqu'à que le soleil se couche, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer pour cette personne? Alors vont disparaître ses péchés comme ont disparu le soleil, qui va retourner dans l'état le jour où sa mère l'a enfanté. Ce hadith il est da'if. Da'afu l'imam al-Albani rahmatullah alayhi fi silsilat al-ahadith al-da'ifa, et d'autres savants également. À la kulli hal, ici le shir l'a dit qad ruwiya falam yajzim bi sihha wa in da'a aqib at-talbiya wa salla 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa sa'ala Allah ridwanahu wal jannata wa ista'adha bi rahmatihi min sakhatihi wan nari fa hasan wa in da'a aqib at-talbiya wa salla 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et si donc après qu'il lit la talbiya, il fait des doigts, il invoque Allah azawajal, et également qu'il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa sa'ala Allah ridwanahu wal jannata, et qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala sa satisfaction et le paradis, wa sta'adha bi rahmatihi min sakhatihi wan nar fa hasan, et donc qu'il se protège également, qu'il demande la protection de par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala de sa colère et du feu, alors c'est quelque chose qui est bien, fahasan. Également ici, un hadith qui est rapporté et qui va dans ce sens. Hadith rapporté par l'imam Shafi'i dans son Musnad. Et également l'imam Ad-Dharqutni fi Sunani. Mais qui est un hadith lui également da'if, non authentique. Et qui est cette parole, anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kana idha فرغ من تلبية في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. Donc c'est un hadith qui est non authentique. Mais ici à la kulli hal, le shir, lorsque cela rentre dans les invocations de façon générale, il voit que c'est acceptable de le dire et qu'il n'y a pas de mal à cela. Donc c'est ce que nous informe ici le shir pour ce qui est de at-talbiya. Ensuite, fasl. Donc le shir, il va continuer toujours donc lorsque la personne elle a fait son ihram et qu'ensuite donc yulabbi, le shir il va nous parler à ce moment-là de certaines règles également qui sont en relation avec l'ihram. Al-ihram yaqul wa mimma yunha anhu al-muhrim, donc ce qui est interdit pour le muhrim, celui qui est en état de sacralisation. أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه أو يتعمد للشم الطيب. Donc ce qui est interdit pour le muhrim, c'est qu'il se parfume après qu'il ait été en état d'ihram, ba'd al-ihram, qu'il se parfume dans son corps et sur ses habits. Dans son corps ou dans ses habits. Bien entendu, c'est une fois qu'il est muhrim. On a vu avant l'ihram que cela était permis. Donc lorsqu'il devient muhrim, il lui est interdit d'utiliser le parfum, que ce soit pour ses vêtements ou que ce soit pour son corps. Et également qu'il sente volontairement le parfum. Qu'il sente volontairement le parfum. Également cela lui est interdit. وَأَمَّا الدُّهْنُ فِي رَأْسِهِ أَوْ بَدَنِهِ بِزَيْتِ وَالسَّمْنِ وَنَحْوِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيب فَفِيهِ نِزَاعٌ مَشْهُورٌ وَتَرْكُ أَوْلَى. Donc ensuite il va nous parler pour ce qui est de certaines graisses qu'on utilise, ou des huiles qu'on utilise pour les cheveux, ou alors qu'on utilise pour le corps. Il dit le shir, si bien entendu cela ne comprend ou ne contient aucun parfum, alors il dit qu'il y a une divergence des savants qui est connue, une divergence connue. Nizar ou Mashhur. Et il nous dit le mieux c'est de délaisser. Dans ce cas-là, le mieux c'est de délaisser. Watarku Aula. Le mieux c'est de délaisser donc tout ce qui rentre dans ces choses-là. C'est-à-dire donc les huiles, etc. qui ne comprennent pas de parfum. Wala yuqallim athfarahu. Et bien entendu, il lui est interdit de tailler ses ongles. Wala yaqta sha'ara. Également, il lui est strictement interdit de couper, de tailler ses cheveux. Tout ça, bien entendu, basé sur des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولو أن يحك بدنه إذا حكه ويحتجم في رأسه وغير رأسه وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض شعر. Il nous dit ensuite le shir que la personne, il lui permet également de se gratter. Si par exemple, dans son corps, un de ses membres le gratte, alors il lui permet de se gratter sans problème. Il lui est également permis donc de pratiquer ce qu'on appelle al-hijama, yahtajim, de pratiquer al-hijama, donc la saignée, sur sa tête et également en dehors de sa tête. Et donc ici, une parenthèse que l'on fait, et on voit que beaucoup de gens, de par leur ignorance, ils croient que le fait de saigner, c'est en contradiction avec l'ihram. Et que si la personne elle saigne, alors il faut qu'elle alaya fidya, il faut qu'elle expie. Et ça c'est une grande ignorance de beaucoup de awam, de beaucoup de musulmans, parmi les communs des musulmans. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme va nous l'indiquer le shir, rahimallah, il a fait le hijama alors qu'il était muhrim. Il a pratiqué, on a pratiqué sur lui le hijama alors qu'il était en état d'ihram. Et bien entendu, le hijama c'est la saignée. On sait bien entendu que le sang coule. Donc, quoi qu'il advienne, la personne, s'il a du sang qui coule, c'est-à-dire du sang qui coule de son nez, ou alors d'un de ses membres, de par une blessure ou autre, ou alors qu'elle le fait volontairement par el hijama, et également, comme il va nous l'indiquer, le shir al-fast, qui est le fait de se tailler, bien entendu, de manière mineure une veine pour faire partir ou faire sortir une grande quantité de sang, un sang qui est malsain, etc. Cela, tout cela est permis alors que la personne elle est muhrim. Il n'y a rien qui interdit cela. Bien au contraire. Donc, qu'il fasse la hijama sur sa tête ou à l'endroit de sa tête ou autre dans son corps, tout cela est permis. Et il nous dit même وَإِنْ يَحْتَاجَ أَنْ يَحْلِقَ شَعْرًا لِذَلِكَ جَازَ. C'est-à-dire donc, même si il doit tailler ou couper de ses cheveux ou raser de ses poils pour pouvoir pratiquer le hijama, et bien cela est permis durant l'ihram. Et qu'en est-il pour ce qui est des preuves? Il va nous dire فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجَمَ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. C'est-à-dire que le prophète صلى الله عليه وسلم, comme cela est rapporté dans le sahih de l'imam al-Bukhari, et également le sahih de l'imam Muslim, muttafaqun alayh, من حديث ابن بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه. Que le prophète صلى الله عليه وسلم donc, on lui a pratiqué sur lui le hijama alors qu'il était en direction de la Mecque, sur la route de la Mecque, et il était en état de sacralisation ou muhrim au milieu de sa tête, au milieu de sa tête. Et il nous dit le shir, wala yumkinu dhalika illa ma'a halqi ba'd ash-sha'r. C'est-à-dire, il était obligatoire dans ce cas pour faire le hijama. Alors on sait que le prophète sallam il avait ses cheveux, il est obligé dans ce cas-là qu'il coupe de ses cheveux, qu'il rase de ses cheveux pour pouvoir pratiquer donc cette hijama. Donc c'est pour ça, donc ici on a la preuve que cela est permis en cas de besoin pour ce qui est de l'hijama. وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره وإن تيقن أنه قطع بالغسل ويفتسد إذا احتاج إلى ذلك ولو أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق وكذلك لغير الجنابة ولا ينكح المحرم ولا يخطب. Également, pour ce qui n'est pas considéré comme un mal lorsqu'on est en état de d'ihram, lorsque la personne elle se lave et qu'il tombe de ses cheveux au moment où elle se lave, il nous dit cela n'a aucun préjudice sur l'ihram. Et même s'il est sûr que cela est tombé à cause de du rousl. وإن تيقن أنه قطع بالغسل نعم ويفتصد. Donc ويفتصد ça vient de الفصد et qui est ici le fait le fait donc de se, comme on l'a dit, de se tailler de manière minime une veine pour faire sortir une grande quantité de sang, ad-dam al-fasid, du sang donc qui est impur. Idha ihtaja ila dhalik, s'il a besoin de cela, tout cela donc c'est permis durant l'ihram. Et également walaw an yaghtasila min al-janaba bil ittifaq, c'est-à-dire que s'il est en état de janaba, donc il y a eu bien entendu une éjaculation, bien entendu ici dans le cas involontaire, lors par exemple d'un songe, alors à ce moment-là, il lui est permis de se laver de al-janaba, bil-ittifaq, c'est-à-dire donc tous les savants sont d'accord sur cela. Et de même pour ce qui est en dehors de al-janaba, donc lorsqu'on est en état d'impureté majeure, il lui est également permis de se laver, que ce soit pour se refroidir en état de chaleur ou alors tout simplement pour se rincer son corps, etc. Ensuite, wala yankih al-muhrim, wala yankih al-muhrim, wala yakhtub. Cela, bien entendu, cette parole même, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam muslim dans son authentique. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à celui qui est en état d'ihram, donc, de se marier. Ou alors, de marier quelqu'un. De se marier, ou alors de marier quelqu'un, ou alors, de demander en mariage. De demander en mariage. Tout cela, c'est interdit pour un muhrim. Wala yastadu saydan bariyan. Et lui est également strictement interdit, lorsqu'il est en état d'ihram, de chasser un gibier. Un gibier qui vit sur la terre ferme. Et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah Azzawajal. Fi surat al-Ma'ida, qui est le verset 96. Wallah Azzawajal yaqul. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم ما دمتم حرما وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. Et à propos de ce verset, Ibn Qudama يقول في المغني لا خلاف بين أهل العلم في التحريم قتل الصيد واصطياده على المحرم ويحرم عليه الإشارة إلى الصيد. Donc il n'y a aucune divergence chez les savants qu'il est strictement interdit, donc d'après ce verset du Coran qui fit surat al-Ma'ida, la table servie, qui est le verset 96, il est strictement donc interdit de tuer tout gibier ou de partir chasser le gibier, et même il est interdit d'indiquer où va se trouver un gibier pour une personne qui voudrait donc faire cette mauvaise chose. Il est même interdit donc de l'indiquer. Bien entendu, ici, c'est pour ce qui est du gibier qui vit sur la terre. وَلَا يَتَمَلَّكُهُ بِشِرَاءٍ وَلَا إِهَابٍ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ وَلَا يُعِينُ عَلَى صَيْدٍ وَلَا يَذْبَحْ صَيْدًا فأما صيد البحر كالسمك ونحوها فلو أن يصطاده ويأكله ولو أن يقطع الشجر. طيب. Ensuite, il nous dit également, il ne lui est pas permis d'acheter un gibier. Par exemple, une personne qui aurait chassé un gibier, il est interdit qu'il achète ce gibier. Et également, il est interdit qu'il le prenne en cadeau. Donc tout cela, c'est interdit. Et c'est pour ça que, dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, min hadith as-Sa'b ibn Jathama, radiallahu ta'ala anhu, lorsque un sahaba est venu apporter un gibier au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu, inna la naruddahu alayk illa anna hurum. Hurum bima'na muhrimun. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a refusé. Et il a dit, on ne le refuse que parce que nous sommes en état d'ihram. Que parce que nous sommes en état d'ihram. Et donc, bien entendu, il n'a pas le droit d'aider quelqu'un à chasser, et il n'a pas le droit d'égorger un gibier. Un gibier qui aurait été capturé, il n'a pas le droit donc de l'égorger. Tout ça, c'est interdit pour ce qui est de l'homme en état d'ihram. فَأَمَّا الصَّيْدُ الْبَحْرِ. Par contre, pour ce qui est de tout ce qui se trouve dans l'eau, de tout ce qui se trouve dans l'eau, comme les poissons, etc., qui vivent dans l'eau, uniquement dans l'eau, alors cela est permis pour le muhrim qu'il le chasse, ou plus précisément qu'il le pêche et qu'il le mange. Cela c'est permis. Et Allah Azza wa Jalla dit également fi surat al-Ma'ida, toujours le verset 96, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amu mata'an lakum wa lis-sayyara. Donc ce verset il est clair. Et à partir de ce verset, Ibn Munzir yaqul أجمع أهل العلم على أن صيد البحر مباح للمحرم واصطياده وأكله وبيعه. Il nous dit donc que tous les savants sont unanimement d'accord pour dire que pêcher et chasser ce qui se trouve, ce qui vit dans l'eau, مباح للمحرم, que cela est permis pour le muhrim. Donc qu'il le chasse, اصطياده, qu'il le mange, وأكله وبيعه, et qu'il le vende, وشراه, qu'il l'achète, tout cela c'est permis. Et il peut également, celui qui est en état d'ihram, couper des arbres. لكن نفس الحرام لا يقطع شيئا من شجره وإن كان غير محرم ولا من نبات المباح إلا الإذخر وأما ما غرس الناس أو زرعوه فهو لهم وكذلك ما يبس من النبات يجوز أخذه ولا يصطاد به صيدا. Ensuite, le shir nous dit qu'il peut également, le muhrim, couper les arbres. Par contre, lorsqu'il va rentrer dans le territoire sacré, al-haram, lorsqu'il rentre dans le territoire sacré de la Mecque, alors à ce moment-là, il lui est strictement interdit de couper tout arbre. Et même s'il n'est pas en état d'ihram. Parce que maintenant, on rentre dans un nouveau hukm. C'est le statut du territoire sacré de la Mecque. Et à ce moment-là, donc le shir, lorsqu'il a parlé de l'arbre, il a dit c'est permis de couper un arbre pour celui qui est muhrim, tant qu'il est en dehors du haram. Par contre, au moment où il est rentré à Mecca, à l'intérieur du haram, il est strictement interdit de couper tout arbre. Qu'il soit en état d'ihram ou qu'il ne soit pas en état d'ihram. Ça, c'est interdit pour les gens de Mecca. Et pour tous ceux qui viennent à Mecca, dans le territoire sacré, il leur est interdit de couper des arbres. Et également, il leur est interdit de couper les plantes. An-nabat. Illa al-ifkhir. Cette plante, qui est une plante au bon odorat, qui s'appelle al-ifkhir, c'est la seule chose qui est permise de couper lorsqu'on est en territoire sacré. Et cela, bien entendu, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim dans leur authentique, min hadith ibn Abbas, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son serment, yawma fatha Mekka, lorsqu'il a ouvert la Mecque. Et dans cela, il est interdit donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de couper tout arbre à Mecca. Et également, ce qui concerne les plantes. Et donc, Al-Abbas, radiallahu ta'ala anhu, qui était présent, qui a entendu donc le serment, à la fin, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulullah, ô messager d'Allah, illa al-idkhir, fa innahu liqaynihim wa buyutihim. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, illa al-idkhir. Donc il a demandé une exception ici, l'Abbas, pour ce qui est de cette plante. Cette plante donc, qui était utilisée dans les maisons. Il plaçait cette plante dans les maisons de par son parfum. Également ceux qui l'utilisaient pour placer sur le toit ou sur le toit même de leur habitation. Également ceux qui l'utilisaient fil qubur, c'est-à-dire dans les tombes, c'est-à-dire donc dans le linceul avec lequel on entourait le mort, il plaçait donc cette plante parce qu'elle avait un bon odorat pour garder donc le mort avec la bonne odeur. Et donc il l'utilisait pour cela. Et lorsque l'Abbas a demandé au prophète sallam cette exception, le prophète sallam, il a dit cette parole, illa al-idkhir, c'est-à-dire l'acceptation de cette exception. C'est la seule chose qui est permise de couper dans le haram. En son état, bien entendu, muhrim ou non muhrim. Al-idkhir, j'ai pas trouvé ce que ça veut dire en langue française, je vais l'écrire. Si on a c'est la fin du cours et nous l'a trouvé. Fajazallahu khair. Yani, comme ils le traduisent, ou alors, c'est une plante bien précise. Al-Idkhir, comme ça. Je l'écris en arabe. Bien entendu, ici, les savants, on pourrait se poser la question. Lorsqu'il y a eu cette exception, et que l'Abbas, il a demandé cette exception, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté, les savants ont donné une explication à cette situation. Ils ont dit, soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu sur le champ même, au même moment où l'Abbas il a demandé la question, il y a eu une révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam directement pour autoriser cette exception. Ou alors certains savants ils ont dit que durant la révélation, Allah azawajal a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam que si une personne demandait une exception, alors elle serait acceptée. Ce qu'a fait l'Abbas. Ça également, c'est une autre probabilité que les savants ont citée. « Ala kulli hal, al-idkhir, c'est la seule chose qui est permise. » Ensuite, il nous dit le shir, « Wa amma ma gharasa an-nas, aw zara'uhu fa huwa lahum. » C'est-à-dire, ce que les gens ils ont planté, ce qu'ils ont cultivé, alors c'est à eux, c'est pour eux. Taïb, c'est-à-dire donc, quelque chose qui n'était pas présent à la base sur la terre sacrée, de la Mecque, sur le territoire sacré, et que la personne, elle fait pousser d'elle-même. Qu'elle achète des graines, qu'elle fait pousser, qu'elle cultive, etc. Alors, à ce moment-là, bien entendu, c'est permis qu'elle le ramasse. Parce que ça appartient à elle. Donc, c'était pas déjà présent sur le territoire sacré. Ça également, c'est ce qui sort de ce hukm-là. وكذلك ما يابس من النبات يجوز أخذه ولا يصطاد به صيدا وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح. De même, donc on est toujours dans le cas où on est dans le territoire sacré. On est dans le territoire sacré. Alors dans ce cas, parce qu'on est dans le territoire sacré, il est permis de prendre ce qui a desséché parmi les plantes. Donc la plante qui a desséché, qui a fané, alors il est à ce moment-là permis de la prendre. Ça rentre pas donc dans ce qui est interdit. C'est encore ici, c'est une exception. Cette exception, bien entendu, elle est générale. C'est pour tout ce qui est sec, pour tout ce qui est desséché. À ce moment-là, il est permis de le prendre. Wala yustadu bihi saydan wa in kana min al-ma kas-samaki 'ala as-sahih. De même ici, lorsqu'on est dans le territoire sacré, comme il a dit le shir, il est strictement interdit de chasser le gibier. Donc on a dit pour celui qui est muhrim, celui qui est pas muhrim. mais également ce qui se trouve dans l'eau. Par exemple, s'il y a des poissons qui se trouvent dans une rivière, ou alors qui se trouvent dans un autre endroit, dans de l'eau, alors il est également ici interdit. Alas sahih, c'est-à-dire la parole la plus authentique, donc on comprend qu'il y a divergence, la parole qui est plus authentique, c'est que même les poissons qui se trouvent dans des rivières ou autres, dans le territoire sacré, il est interdit de les pêcher. Bien entendu, pour ce qui est du muhrim et de ceux qui pendent en état d'ihram. Bal wala yunaffaru sayduhu mithl. Mithlan yuqimahu liyaq'ud makanahu. Liyaq'uda makanahu. Mithl an yuqimahu liyaq'uda makanahu. C'est-à-dire également, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité dans le hadith authentique, c'est que il est également interdit de faire fuir le gibier. De le faire fuir, il est interdit. Alors à plus forte raison de le chasser. Comme à titre d'exemple, de le faire partir, de prendre sa place. Par exemple, un animal qui irait une place, qui se trouve à une place, de le faire partir, de le faire fuir et de prendre sa place. C'est également strictement interdit lorsqu'on est en territoire sacré. وَكَذَلِكَ حَرَمُ مَدِينَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا وَاللَّابَةُ هِيَ الْحَرَّةُ وَهِيَ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا حِجَارَةٌ سُودٌ وبريد في بريد والبريد أربع فراسخ وهو من عير إلى الثور وعير وجبل عند الميقات يشبه العير وهو الحمار والثور وجبل من ناحية أحد يشبه العير وهو الحمار والثور وجبل من ناحية أحد وهو غير جبل وهو غير جبل ثور الذي بمكة فهذا الحرم أيضا لا يصاد سيده ولا يقطع شجره إلا لحاجة كآلة الركوب والحرث ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم إلى ذلك إذا ليس حولهم ما يستغنون به عنه ما يستغنون به عنه بخلاف الحرم المكي وإذا دخل عليه سيد لم يكن عليه إرساله. Ici le shir, il va nous rappeler que non seulement cela, c'est dans le cas du territoire sacré de Mecca, mais également dans le cas du territoire sacré de Al-Medina. وَهُوَ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا وَهُوَ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا. Et ceci qui se trouve donc entre le terme ici employé, il nous dit le shir, وَاللَّابَ. C'est tout simplement la terre où se trouvent des pierres noires. Al-ardu lati fiha hijaratun saud. C'est ça donc qui va délimiter le haram, le territoire sacré, pour Médine, pour la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Médina. Donc il se trouve entre ces deux terres, entre ces deux terres où se trouvent en sa surface des pierres noires. Ensuite il va nous donner un ordre de mesure, et il nous dit min ayrin ila thor, c'est-à-dire donc ces deux noms min ayrin ila thor. Donc comme l'ont dit les savants, que ce soit de par cette délimitation ou alors de par cette délimitation, il n'y a pas de différence dans cela. C'est-à-dire que même si une délimitation qui était donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle va être plus petite qu'une autre délimitation qu'il a donnée dans notre hadith, la première elle va rentrer dans la deuxième, donc il n'y a pas de ishkel par rapport à cela. Et c'est pour ça que également le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, pour délimiter le territoire sacré de Médine, il a cité ces deux termes, min ayr ila thor. Il nous explique le shir que ayr c'est une montagne qui se trouve près de al-miqat bien sûr al Medina, et qui ressemble à un âne, al-himar. De même pour ce qui est de Thor, c'est également une montagne mais qui se trouve à elle du côté de Uhud et qui ressemble également à l'âne. Et le shir ici il va faire une précision, il va nous dire que pour ce qui est de Thor, ce n'est pas la même montagne qui se trouve à Mecca, car il y a une montagne qui se trouve à Médina qui s'appelle Thor et également une qui se trouve à Mecca qui s'appelle Thor. Et il nous dit, le shir ici, il nous rappelle, et c'est une précision donc historique, qu'il y a bel et bien ici une montagne qui se trouve à Médine et qui s'appelle Thor, et qui est différente de celle qui se trouve à Mecca. Il nous dit donc, tout cela c'est le haram, que ce soit à Mecca ou que ce soit à Médina, qu'on est en territoire sacré, alors il ne nous est pas permis de chasser le gibier et de couper les arbres. Sauf, il nous dit le shir, en cas de besoin. Illa li hajatin ka alati ar-rukub wal harf. Wa yukhadhu min hashishi ma yuhtaju ilayhi lil alaf. C'est-à-dire que ici, pour ce qui est de Al-Médina, on est ici pour ce qui est de Al-Médina, le territoire sacré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous explique le shir, فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم. C'est-à-dire que le prophète صلى الله عليه وسلم, il a autorisé aux gens de Médine d'utiliser l'herbe qui est fraîche, le hashish. Également ce qu'ils ont besoin pour construire donc leur monture. Également ce qu'ils ont besoin pour cultiver leur champ, le harf, etc. Ce qu'ils ont besoin également pour Al-alaf, c'est ce qu'on appelle le foin, l'aliment pour le bétail. Ils ont également donc le droit d'utiliser l'herbe, etc., qui se trouve dans Al-Haram Al-Medini. Al-Medini, c'est-à-dire le territoire sacré de Médine. Et pourquoi cela? Parce que le shir va nous dire إِذْ لَيْسَ حَوْلَهُمْ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ عَنْهُ بِخِلَافِ الْحَرَمِ الْمَكِّي. نعم. C'est-à-dire qu'aux alentours de Médine, il n'y avait rien que les gens de Médine pouvaient utiliser. Donc, pour nourrir leurs bêtes, pour ce qu'ils avaient le minimum besoin, c'est-à-dire donc pour cultiver les champs, le bois qu'ils auraient, donc obligés donc de couper certains arbres pour pouvoir donc utiliser le bois, etc. Le prophète sallam, il leur a donné ici, une exception. Pour le minimum qu'ils avaient besoin. Pourquoi cela? Parce que autour de Médine, il n'y avait rien qu'ils pouvaient utiliser. Et s'ils allaient un peu plus loin de Médine, tout ce qui était présent dans des territoires, c'est des territoires qui appartenaient à des gens et qu'ils ne pouvaient donc rien prendre. Donc ils étaient dénués de toute chose. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour les gens de Médine, il leur a accordé, pour ceux qui vivaient donc à Médine, il leur a accordé, dans la mesure de leurs besoins, d'utiliser ces choses-là. Taïeb. Contrairement aux gens de Mecca. Parce que les gens de Mecca, eux, aux alentours de Mecca, aux alentours donc du territoire sacré, ils avaient ce dont ils avaient besoin. Et donc ils pouvaient prendre, sortir du territoire sacré et aller prendre ce qu'ils avaient besoin comme arbres, comme bois, comme hashish, comme herbe, etc. pour nourrir leurs animaux ou alors tout ce dont ils avaient besoin. Donc c'est la différence ici qu'il y a. Le prophète Sallam, il a fait ici une exception pour les gens de Médine, pour ce dont ils avaient besoin. Ensuite le shir, il dit وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذين الحرمان ولا يسمى غيرهما حرما كما يسمى الجهال فيقولون حرم المقدس وحرم الخليل فإن هذين وغيرهما ليس بحرم باتفاق المسلمين والحرم المجمع عليه حرم مكة وأما المدينة فلا حرم أيضا عند الجمهور كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. Le shir, il fait tout simplement ici une parenthèse et on va finir par cela. Il dit que pour ce qui est de l'haram, il y a uniquement deux territoires sacrés, celui de Mecca et celui de Al-Medina. Pour ce qui est de Mecca, bien entendu, c'est plus que clair. Pour ce qui est de Al-Medina, la plupart des savants sont d'accord qu'il y a un haram, un territoire sacré, pour Médina. En revenant à tous les hadiths, qui sont très nombreux les hadiths, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a délimité donc le territoire sacré de Médine. Et donc, qu'on dise que Bayt al-Maqdis, c'est un haram, c'est totalement faux. Ou alors, autre que cela, c'est totalement faux, il nous rappelle le shir. Il y a uniquement deux territoires sacrés en islam, Médine, et Mecca, rien d'autre. Et il nous dit ensuite وَلَمْ يَتَنَازَعَ الْمُسْلِمُونَ فِي حَرَمٍ ثَالِثٍ فِي حَرَمٍ ثَالِثٍ إِلَّا فِي وَجِّنْ وَوَوَادٍ بِالطَّائِفِ وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ حَرَمٌ وَعِنْدَ الْجُمْهُورُ وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ لَيْسَ بِحَرَمٍ. Donc, il nous dit simplement, certains musulmans, ils ont eu une divergence. Donc il dit ici, musulmans, il y a une divergence pour certains qui ont été dire que un territoire qui s'appelle Wadj et qui est en réalité une plaine qui se trouve à Taif, à côté de Mecca, ils ont dit que c'était haram. Mais il nous rappelle le shir, la plupart des savants n'ont jamais dit que c'était un territoire sacré. Taïeb. Donc en vérité, on ne va pas prendre cela en compte. Et plus précisément, lorsque le shir nous a dit qu'il n'y avait pas d'autres haram que les deux haram qui ont été cités. Medina et Mekka, il nous a dit bilittifaq. Bilittifaq. Donc on voit ici que lorsque les savants sont unanimes pour cela, et qu'il peut avoir une divergence de la part d'un ou d'autres de certains, cela n'est pas pris en compte. Et donc, c'est ce qui est le plus sûr et le plus fort. Tayyib. Ensuite, le shir va continuer encore pour certaines règles qui touchent Al-Muhrim. On finira le prochain cours, Inch'Allah ou Ta'ala. Ici, pour le Nam, j'ai reçu pour ce qu'est l'Idhir, roseau aromatique. La plante fait 50 à 120 cm de haut, les feuilles sont linéaires, il pousse dans les régions chaudes et tempérées des deux hémisphères. Probablement d'origine indienne, le calamus pousse plutôt dans les sols humides et les fossés. Alors qu'il y a le roseau aromatique. C'est comme ça donc que certains ont trouvé. Roseau aromatique pour ce qui est de l'Idhir, qu'on a cité durant le cours. Et que la plante fait 50 à 120 cm de haut. Ou jonc aromatique. Naam. De la famille des graminées. Tayyib. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.